bonjour à tous, c'est Aurélien. On se retrouve pour les coups de cœur d'Aurélien, le lundi, 8h-13h30. Donc mon coup de cœur de cette semaine, c'est la trilogie Hunger Games, surtout le tome 1. Donc Hunger Games, c'est une trilogie de Suzanne Collin, publiée aux éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. Donc comme je dis avant, c'est une trilogie, il y a 3 tomes du coup, hein, pour ceux qui savent pas. Donc le livre a fait un best-seller, comme presque tous les best-sellers, il a été adapté en film. Il y a ce coup-ci 4 films par contre, parce que le tome 3 était divisé en partie 1 et partie 2. Donc pour les petites précisions, c'est de la science-fiction et le livre est destiné majoritairement aux ados, même si les adultes peuvent le lire aussi évidemment, même si je déconseille aux enfants en dessous de 11 ans, je dirais 11-12 ans, ouais, il y a quand même voilà. Bon. Donc je vais vous lire le résumé. Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre, les autres mourront. Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 12 garçons et 12 filles tirés au sort participent à cette sinistre télé-réalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l'arène, survivre à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À 16 ans, Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde nature. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre parce que bon, déjà c'est de la science-fiction, c'est un style que j'aime beaucoup. Ensuite j'aime beaucoup le style d'écriture de Suzanne Collin, appelée par son prénom. Le livre est assez original quand même, hein. Une arène, on prend 24 personnes sous les yeux de 24 millions d'autres personnes qui se tuent en direct. Et où le dernier devient riche et célèbre. Ça me fait penser un peu à un jeu vidéo, si vous aimez un peu le jeu vidéo, vous devez voir où ils vont venir, Fortnite, où on doit être dans une arène et tuer des gens. Bon, voilà, allez, bref. Du coup, c'est un livre que je vous conseille très très fortement, il y a 3 tomes. Lisez d'abord les livres et après regardez les films. Parce que une fois que vous connaissez l'histoire du film, vous aurez plus envie de lire le livre. Et voilà, pour moi le livre est mieux quand même. Bon, voilà, je vous conseille très fortement. C'était Aurélien, à la semaine prochaine.